Je joue le vent, je joue le temps, par tous les temps, la joie des gens. Mes cordes d'argent, ondes d'or au firmament, montent légèrement dans l'air du temps. Mes notes s'égrènent, sèment les graines, pour que toute haine fondée devienne veine. De mélodie en mélodie, la beauté multiplie, je détrompe l'ennui. Chansons légères résonnent dans l'air, d'une pure atmosphère enveloppe la terre. En paix toujours, en chant d'amour, mes refrains courts embellissent les jours. Mes sons résonnent, harmonique sonne, la musique est bonne, ma joie je donne. Je joue le temps à tous les temps, infiniment passé, présent. Thank you.